de finale, ouais, trois whisky. Et puis après, quelques portos avec Johnny. Derrière son bar, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Dalida. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, oh, oh, oh, quelle nuit! Tout ça est arrivé parce qu'on t'a raconté quand on m'avait vu avec une jolie femme. T'as voulu te venger et tu n'es pas rentré. Alors je t'ai cherché, voilà le drame. Au petit jour, je suis rentré quinquin. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tordu les bras. Oh, quelle nuit! Depuis, je t'ai prouvé que cette femme n'était tout simplement qu'une de mes secrétaires. Et toi, tu m'as avoué que pour me faire marcher, tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours, je me suis mis à l'autre fichu. Mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh,